ok. Une fois de plus, c'est les mêmes voix que j'entends dans ton MP3. C'est le 5-3, c'est le N3. Une fois de plus, je remets le couvert en solitaire, régler les comptes, mamie à découvert. Une fois de plus, je lâche des rimes entre bitume et crime. Je lac la casse dédiée à tous ceux qui claquent des bites pour y arriver. Moi, je suis pas débile, je suis pas débile. Sur l'autoroute du rap, je suis là, je vais vite dans la rue. Ça s'équipe et ça détruit. Mais une fois de plus, ça se prend pour la Dream Team. Pour finir, refroidir à la Kill Bill. Mais c'est qui ce type? L'ange de l'enfer ou le démon du paradis. J'ai le moral en fer de voir que les putains pipes sont paradines. Une fois de plus, j'envoie un 16 dans mes veines, pas de cesse. Faut que ça cesse, que me signe l'assassin. De mes rêves, je suis l'assassin. Et si ça scène, c'est que vous m'avez pris à 6 à peine. Si un jour pour moi tout ça s'arrête, j'aurais resté honnête sans vendre des tas de barrettes. Une fois de plus, les mots dentés. Une fois de plus, on vient chanter. Une fois de plus, tout pour l'honneur. Et ne crois pas qu'on s'est planté. Une fois de plus, la plume s'agite. Une fois de plus, ça va trop vite. Une fois de plus, on est riche que le cœur nous dicte. Une fois de plus, une fois de plus, les mots dentés. Une fois de plus, on vient chanter. Une fois de plus, tout pour l'honneur. Et ne crois pas qu'on s'est planté. Une fois de plus, la plume s'agite. Une fois de plus, ça va trop vite. Une fois de plus, on est riche que le cœur nous dicte. Une fois de plus, une fois de plus, encore une fois, j'ai pris le bic et le papier. Une fois de plus, encore une fois, je pars du futur, du passé. Dépassé par la routine, pas l'ennui m'a attaqué. Dépassé par la routine, pas les ennemis m'ont rattrapé avec Dante. Une fois de plus, on s'associe. On a tenté de faire du bon son, histoire que toi tu kiffes aussi. On a tenté de refaire le monde tout en restant bien assis. Aujourd'hui, devant ma feuille, je débat des tonnes de textes racés. Une fois de plus, sur la feuille, j'écris sans thème. Une fois de plus, j'apporte des chrysanthèmes. Je fleuris la tombe des rêves. Lire, moi, c'est mon emblème. Je suis en quête du bonheur. Et c'est bien ça qui est le problème. Faut faire un choix entre le triomphe ou bien l'honneur. Une fois de plus, un street album dans la grande famille du rap. Je viens renouveler ma licence car je veux m'inscrire de façon durable. Et s'il le faut, je ferai du rap, je suis prêt à conserver ma place. Et s'il le faut, j'arrêterai tout, je partirai avec classe. Une fois de plus, les mots dentés. Une fois de plus, on vient chanter. Une fois de plus, tout pour l'honneur. Et ne crois pas qu'on s'est planté. Une fois de plus, la plume s'agite. Une fois de plus, ça va trop vite. Une fois de plus, on est riche que le cœur nous dicte. Une fois de plus, une fois de plus, les mots dentés. Une fois de plus, on vient chanter. Une fois de plus, tout pour l'honneur et ne crois pas qu'on s'est planté. Une fois de plus, la plume s'agite. Une fois de plus, ça va trop vite. Une fois de plus, on est riche que le cœur nous dicte. Une fois de plus.